إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نواصل دراستنا في كتاب تجريد التوحيد المفيد سائلين الله جل وعلا التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل. توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن العبد لا يكون متحققا بعبادة الله تعالى إلا بأصلين أحدهما متابعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والثاني إخلاص العبودية. إخلاص العبودية. ثم قال: والناس في هذين الأصلين أربعة أقسام. وذكر هذه الفائدة وهذا التقسيم عند كلامه في القسم الرابع: في إياك نعبد وإياك نستعين، ألا وهو من له استعانة بلا عبادة. من له استعانة بلا عبادة، وتلك حالة من شهد تفرد الله بالضر والنفع ولم يدري ما يحبه ويرضاه، وتوكل عليه في حظوظه فأسعفه بها، وهذا لا عاقبة له، سواء كانت أموالا أو رياسات أو جاها عند الخلق أو نحو ذلك، فذلك حظه من دنيا وآخرة. Donc on continue et on s'est arrêté hier lorsque l'auteur nous apprend dans son œuvre que pour concrétiser et réaliser l'adoration d'Allah, il y a deux conditions. Et ces deux conditions que l'auteur évoque pour la réalisation de l'adoration d'Allah Azza wa Jal et pour l'acceptation de nos œuvres et de nos adorations, il la cite dans la quatrième catégorie. Il cite cela dans la quatrième catégorie. Donc on est toujours dans l'évocation des différentes catégories face à Iyyaka na'bud wa Iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons et c'est de toi dont nous implorons l'aide. La traduction relative du sens du verset. Ce qu'on répète dans la sourate Al-Fatiha, dans la sourate de l'ouverture. Donc nous disons Iyyaka na'bud wa Iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons et de toi dont nous implorons l'aide. C'est-à-dire toi seul, ô Allah. Et donc on a aussi bien al-ibada ou al-istirana. On a l'adoration, on a la demande d'aide. Al-ibada c'est l'adoration et la demande d'aide c'est al-istirana. Et donc l'auteur nous a enseigné quatre catégories de gens face à l'adoration et l'istirana. En disant que la première catégorie, ceux qui ont réuni entre al-ibada ou al-istirana, les deux. La deuxième catégorie, ceux qui ont nié al-ibada ni al-istirada. La troisième catégorie, ceux qui ont une part d'adoration mais pas de istirana. Et la quatrième catégorie, ceux qui ont al-istirana bila ibada. Ils ont l'istirana bila ibada mais sans forcément l'adoration. Donc quelle est cette quatrième catégorie? Et donc l'auteur nous parle de cette quatrième catégorie après qu'il nous ait enseigné le sens de l'istirana. Comme on avait pris dans la dernière assise, dans l'assise précédente, le vrai sens de l'istirana. Quel est le sens de l'istirana? On avait dit, c'est lié au tawakkul. C'est lié à la rémission complète, c'est-à-dire de s'en remettre complètement à son créateur. Et après que l'auteur, justement, nous a enseigné حقيقة الاستعانة, la réalité et le vrai sens de الاستعانة, il mentionne la quatrième catégorie. Regardez, c'est très pertinent. Donc dans la dernière assise, on avait terminé l'explication et la familiarisation avec la troisième catégorie, face au verset Yakan Arboud ou Yakan Estarin. Ensuite, l'auteur nous a enseigné le sens véritable de Al-Istirana pour ensuite nous mentionner la quatrième catégorie. Et dans la quatrième catégorie, dans une traduction du texte et de l'œuvre de l'auteur, il dit quatrièmement, la quatrième catégorie concerne les individus qui recherchent l'aide d'Allah, vous avez compris, ils ont l'istirana, mais bila ibada, lahum istirana, bila ibada, mais sans lui vouer le culte, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est la quatrième et la dernière qu'a mentionné ici l'auteur. Qui sont-ils? Comment comprendre cela? Il dit, il témoigne qu'il est le seul à même de faire le bien et le mal, celui qui accorde profit, alladhi yanfa' wa yadur, et qui accorde le mal, mais ils ignorent comment parvenir à son agrément. Mais malgré cela, ils savent que le Créateur subhanahu wa ta'ala, c'est lui alladhi yanfa' wa yadur, qui peut accorder profit, accorder le bien et aussi le mal. Par contre, l'auteur dit, ils ignorent comment parvenir à son agrément. Ils s'en remettent au Tout-Puissant pour des choses qui les concernent. Cependant, bien qu'il leur offre son soutien, ils ne peuvent atteindre le bonheur éternel. Mais malgré cela, ils ne peuvent atteindre le bonheur éternel. Ils s'en remettent à lui dans des domaines tels que la richesse, le pouvoir, le rang auprès des hommes, etc. Telle est donc la part qui leur est réservée ici-bas et dans l'au-delà. C'est pour ça qu'ensuite, regardez après que l'auteur ait dit فتوكل عليه في حظوظه فأسعفه بها ثم قال وهذا لا عاقبة له وهذا لا عاقبة له سواء كانت أموالا أو رياسات أو جاها عند الخلق أو نحو ذلك فذلك حظه من الدنيا فذلك حظه من الدنيا. Donc ça, c'est la quatrième catégorie. Donc on le réitère bien, on les stipule bien pour qu'on puisse comprendre ensuite que l'auteur, après qu'il ait mentionné cela par rapport à la quatrième catégorie, ceux qui ont al-istirana bila ibada, c'est là qu'ensuite il va mentionner les deux conditions pour l'acceptation et la réalisation des adorations. Et dans cette quatrième catégorie, c'est pour ça que les savants expliquent par rapport à ce que mentionne l'auteur, quel est le sens de cela? Le fait qu'ils ont une part de Stirana sans lui vouer forcément le culte. Et ils s'en remettent à lui pour la richesse et pour les biens d'ici-bas. C'est pour ça qu'ils ont une part de Stirana, sans forcément l'adoration. Les ulama disent dans l'explication de ce qu'on vient de lire, on a lu la traduction du texte, hein, de la parole citée dans l'œuvre, « Yarni la yarrab » L'auteur de Ifadat al-Mustafid, il nous dit, c'est-à-dire pour comprendre cette catégorie-là, avant qu'on cite les deux conditions pour la réalisation de l'adoration et l'acceptation des adorations, il dit, c'est-à-dire cette catégorie-là, ils reviennent vers Allah et s'en remettent à Allah que pour les choses mondaines, que pour un intérêt mondain, que pour l'obtention d'un bien mondain. De sorte que فَيَسْأَلُ اللَّهَ الدُّنْيَا فَقَطْ. De sorte que lui, il demande au Créateur que la dunya. L'argent, les biens, les fortunes, les biens d'ici-bas, que de la dunya. Donc lui, il s'en remet à son Créateur, il demande à son Créateur, mais que des choses de la dunya. وَلَا يَسْأَلُ اللَّهَ أُمُورَ الْأَخِرَةِ. Par contre, il ne demande pas, lui, il ne convoite pas les choses de l'au-delà. Il ne convoite pas ça. وَلِهَادَ فَهُوَ يُهْمِلْ الْعِبَادَ. Et pour cela, il est négligent par rapport à l'ibada, par rapport à l'adoration. وَيَلْجَا إِلَى اللَّهِ فِي تَحْصِيلِ دُنْيَهِ faqat. Et donc pour cela, lui, il revient à Allah Azza wa Jal que pour la dunya, l'obtention des biens d'ici-bas. فَعِنْدَهُ اسْتِعَانَ بِاللَّهِ وَلَكِنْ لَيْسَ عِنْدَهُ عِبَادَ. Et donc de ce fait, c'est comme ça qu'on peut comprendre qu'ils ont une part de demande d'aide du Créateur. Maintenant, on peut rester sur le terme en arabe. Ils ont une part de istirana, mais pas de ibada. Et donc ça, c'est ce qu'on peut appeler aussi tamma'in. Les opportunistes, les maslahiyoun, al-maslahi, c'est celui qui ne va que vers ses intérêts. Le matérialiste, al-maddi, celui qui ne voit que son intérêt mondain. Il ne convoite que les biens de cette vie d'ici-bas. Donc il ne demande pas à son créateur des biens de l'au-delà. Lui, c'est les biens d'ici-bas. فَعِنْدَهُ إِسْتِعَانَةُ بِاللَّهِ وَلَكِنْ لَيْسَ عِنْدَهُ عِبَادَةُ وَهَذِهِ حَالَةُ الَّذِينَ يَطْلُبُونَ الدُّنْيَا وَيَنْسَوْنَ الْآخِرَةِ. Donc tout simplement pour résumer cette catégorie-là, c'est l'état et la situation de ceux qui convoitent la vie d'ici-bas et demandent cette vie d'ici-bas, mais ils oublient l'au-delà. Ils oublient l'au-delà. C'est pour ça que les grands théologiens de notre nation, notre communauté, ont beaucoup rédigé sur cela, sur ce sujet-là. Le fait de ne convoiter que les biens d'ici-bas. Ça, c'est un sujet très important. Surtout nous, en ces temps. En ces temps, en cette époque, on a grandi dans ça. L'amour du matériel, l'amour des biens d'ici-bas. Et on est tous impactés. On est tous impactés, c'est pour ça qu'on se fait tous le rappel, puisque même celui qui parle, on n'est pas à l'abri, on est tous en train de se faire le rappel. Pourquoi ? Parce qu'on a, grandi dans cela, l'amour des biens, l'amour des mesures et de cette vie d'ici-bas. Par contre, ce n'est pas interdit, bien sûr. Allah Azza wa Jal ne nous interdit pas de jouir des bonnes choses. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal a créé les bonnes choses sur terre et les a mis à disposition des hommes. Sakhara lana hadhihi al-ashya hadhihi al-makhluqat, il nous a mis à notre disposition les choses licites. Pour ça Allah nous dit mangez des bonnes choses, on a le droit. Et Allah nous facilite aussi. Sauf que lorsqu'ensuite on tombe dans l'amour démesuré de cette vie d'ici-bas et de l'argent et des biens, alors ensuite on commence à oublier et à délaisser notre part de l'au-delà. Et on commence à faire des projets pour ici-bas. On est tous touchés, impactés. C'est pour ça qu'on se fait le rappel. Et moi, j'ai plus besoin de ce rappel-là. Et on oublie nos projets. Donc, on fait beaucoup de projets, mais on oublie nos projets pour l'au-delà. Alors qu'on est dans une époque où se sont multipliés les morts subites. Les décès, à notre époque, des morts subites, sans qu'il y ait forcément une maladie, sans que la personne soit malade, une mort subite. Et ça se multiplie. Et ça fait partie des signes de la fin des temps. Mais malgré tout ça, on est toujours attaché. Malgré tout ça, on pense que c'est pas pour maintenant. Et donc, on fait des projets, ce qui n'est pas interdit de faire des projets, mais pour ici-bas. Et on en oublie notre place pour l'au-delà. Alors que cette vie éternelle de l'au-delà se joue. Se joue maintenant, si on peut dire de la sorte, pour imaginer la chose, c'est maintenant. C'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup de rappels. Et les gens se privent de rappels. Regardez, lorsque les gens sont invités pour un repas, ils viennent, ils sont nombreux, mais lorsque c'est pour la nourriture du ventre, vous avez vu, ils sont nombreux, mais lorsque c'est la nourriture et l'alimentation des cœurs, la personne, c'est pour ça, remercie Allah Azza wa Jal. Remercie Allah Subhanahu wa Ta'ala. Que Allah vous a mis l'amour du ilm. Il vous a mis l'amour du ilm. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui a cela dans son cœur. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui essaient d'être sincères, c'est pas le nombre qu'ils veulent. Au contraire, il vaut mieux être peu et se rappeler le tawhid. C'est pas le nombre qui est cherché, surtout pas. Mais c'est par miséricorde et clémence pour les autres. C'est par compassion pour les gens. Lorsqu'on voit nos frères qui parlent sur des sujets qui les dépassent, mais ils n'arrivent pas à s'asseoir sur une assise. Par contre, ils viennent lorsque c'est une invitation pour manger. Et s'il n'y a pas d'invitation pour manger, on ne s'assied pas à un cercle de science, de ilm, on a ajib. Si ce n'est pas les shabab al-ladina intasibuna et la sunna, si ce n'est pas les jeunes qui s'apparentent à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui viennent et qui s'assoient et qui apprennent dinullah, subhanallah. Et c'est pour ça qu'il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui aime le rappel et qui aime les assises de science et qui connaît le mérite des assises de science, alors il faut qu'il remercie Allah azzawajal, c'est quelque chose qu'Allah vous a mis dans le cœur. Pourquoi? Allah te veut du bien. Parce que dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith célèbre, « إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ » Lorsque Allah veut du bien pour son serviteur, il lui accorde la compréhension de la religion. De la religion. Donc si Allah azzawajal t'a mis dans le cœur l'amour de cette religion, l'amour d'apprendre le livre d'Allah, l'amour de lire les versets, d'essayer de comprendre les termes, l'amour de vouloir apprendre la langue arabe, la langue de la révélation du Coran, du livre noble de notre Créateur, d'apprendre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'apprendre même les chaînes de transmission, d'apprendre les textes, l'énoncé des hadiths, d'apprendre, d'écouter les commentaires, de voyager à la rencontre des ulama. Et si on ne peut pas au moins faire un peu de distance, imaginez-vous qu'en ces temps, en ces jours, et en ce moment, on a des mosquées, alhamdoulilah, fi hadha al-balad, dans ce pays, où on peut s'asseoir et écouter des œuvres, imaginez-vous, des paroles de savants anciens qui datent du 8e siècle, du 9e siècle, des paroles d'Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhi. Wallah, c'est un bienfait qui est immense. On écoute des paroles d'anciens savants qui nous font le rappel dans leurs livres. Il y a du rappel. Alors que ces savants-là, ces grands théologiens sont morts il y a des siècles de cela. Mais regardez, leurs écrits, leurs œuvres perdurent. Et subhanallah, est-ce que eux, à leur époque, ils se diraient que des siècles plus tard, mon écrit... Ce que j'ai écrit, ce que j'ai laissé, ça va être même être enseigné dans des mosquées, dans des langues différentes. Imaginez-vous le mérite. Alors que des rois étaient sur terre, on ne les connaît pas, on ne connaît pas leur nom. Ils ne sont pas évoqués. Des rois qui détenaient des fortunes et qui détenaient un règne et un pouvoir sur des contrées, sur des étendues de terre, pourtant ils ne sont pas connus. On n'évoque pas leur nom et on ne les connaît pas. Et on ne se rappelle pas d'eux. Tandis que des ulama, qui n'étaient pas forcément qui avaient des fortunes et de l'argent, jusqu'à aujourd'hui, walillah ilhamd, leurs œuvres, leurs écrits sont enseignés, apprises, lus dans des contrées lointaines, dans des pays. Il y a certains villages, vous allez dans des villages, les gens ils étudient ces livres, ajib. Et c'est traduit, vous pouvez aller... Jusqu'en Wilayat al-Muttahida, aux États-Unis, il y a des frères à la Sunna, qui sont sur la Sunna et qui apprennent ces livres, et qui apprennent le Tawhid. Vous allez dans différents pays, même dans des pays d'Amérique latine, hein, où des frères, ils ont Daras, ils ont appris, Ta'allamu, ils ont appris l'ilm, fil jami'at, etc. Ils sont revenus et ils font profiter de ce ilm. Ils font profiter de ce ilm. Aux gens de leur pays. Subhanallah. Wa hadhal ilm. Et celui qui Allah a mis l'amour de cela, qu'il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Tullab al-ilm qalil. En vérité, qaliloun, les étudiants en science sont très peu, en réalité. Sont très peu. Alors si Allah azza wa jal t'a guidé, t'a compté parmi ce peu, alors remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez l'imam Malik. Il disait وَمِنَ النَّاسِ مَنْ فُتِحَ لَهُ أَبْوَابِ الْعِبَادَةِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ فُتِحَ لَهُ أَبْوَابُ الصِّيَامِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ فُتِحَ لَهُ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ par exemple. Et jusqu'à ce qu'il disait وَمِنَ النَّاسِ مَنْ فُتِحَ لَهُ أَبْوَابُ الْعِلْمِ وَأَنَّ مِمَّا فَتَحَ اللَّهُ أَبْوَابَ الْعِلْمِ فَرَضِيتُ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ لِي. L'imam Malik disait il y a des gens dont Allah Azza wa Jalla leur a ouvert les portes de l'adoration, les portes de la prière, les portes du jeûne. Il leur a ouvert des portes et des domaines. Et il dit, il y en a dont Allah Azzawajal leur a ouvert les portes du savoir, du ilm. Et l'imam Malik, il a rapporté, qu'il disait ensuite, et moi je fais partie de ceux qu'Allah Azzawajal a ouvert les portes du ilm, de la science. Alors j'agrée et j'accepte ce qu'Allah m'a ouvert comme porte. Faraditu bima fataha Allahu li. Subhanallah. Alors il dit, moi j'accepte et j'agrée ce qu'Allah Azzawajal m'a ouvert comme porte. C'est pour ça, remercie Allah Azzawajal qui vous a permis de vous asseoir dans un cercle de science. La récompense, elle est immense. La récompense, elle est immense. Fanahmadullah Jalla wa Ala. C'est pour ça, tellement que la récompense d'une assise, elle est immense, il y a des ulama contemporains qui nous disent que eux à l'époque, ils se sont assis devant des mashaykhs, ou devant le shaykh, ils étaient deux. Mashaykh al-kibar. Mashaykh al-kibar. Pas des petits comme nous. Mais là, on parle de grands savants. Et des fois, il y a même un shaykh, il disait, moi je me rappelle de notre shaykh parfois, fil Medina, à Médine, il disait, un grand savant. Il y avait dans son assise une personne. Et shaykh, il enseignait le tawhid. Il enseignait le tawhid. Et ça, c'est pour ça, ça c'est un grand enseignement. C'est que el ulama, ils ne regardent pas le nombre. Ils font. Et si ça, c'est la position des ulama qui font ça, quel est notre cas donc à nous? Quel est notre cas à nous? Et c'est pour cela que les ulama, ils ont éduqué leurs élèves à cela. Alors regardez l'enseignement. Ici, l'enseignement qu'on a. L'enseignement qu'on a, c'est que cette quatrième catégorie, ils demandent que les choses de cette vie d'ici-bas. Ils demandent que les choses de cette vie d'ici-bas. Vous avez vu ça? Ça ressemble à un chapitre. L'auteur en fait allusion à un moment dans le livre. On avait fait allusion beaucoup à cette question lorsqu'on a étudié Kitab al-Ikhlas de Targhib wa Tarhib. Vous vous en souvenez, le précédent livre qu'on avait étudié, Kitab al-Ikhlas, dans le livre Targhib wa Tarhib de l'imam al-Mundhiri. Et vous vous rappelez, souvent on parlait d'une catégorie. Et même l'auteur du livre de l'unicité a dédié un chapitre concernant cette catégorie. C'est la catégorie, par contre, eux qui adorent, qui œuvrent avec des bonnes œuvres, mais eux, à travers l'accomplissement des bonnes œuvres, ils recherchent l'intérêt mondain. Et seulement l'intérêt mondain. Vous avez vu comment on s'était fait beaucoup de rappels sur ça. On avait lu « Aqwal al-ulama », les paroles sur cette catégorie aussi. Donc on a une autre catégorie aussi, il faut se rappeler. Cette catégorie, par contre, qui œuvre, une autre catégorie de gens, notre nation par exemple ici, qui œuvrent, qui accomplissent les bonnes œuvres, mais eux, l'accomplissement des bonnes œuvres, ils ne recherchent que l'intérêt mondain. C'est l'intérêt mondain. C'est-à-dire, à travers l'œuvre, ils ne cherchent pas la récompense d'Allah Azza wa Jalla dans l'au-delà. Ils ne cherchent pas la récompense d'Allah. Et on avait détaillé cela. Et ceux qui veulent s'y référer aussi, dans le livre de l'unicité, l'auteur du livre a dédié un chapitre indépendant et autonome concernant cette question-là. On continue. Donc si on a compris cette catégorie, si on a compris cette catégorie-là, maintenant, on va comprendre ce que dit l'auteur ensuite. L'auteur maintenant, il va parler de la réalisation des adorations, c'est-à-dire des conditions de deux bases essentielles pour la réalisation des adorations. Et il dit, donc après nous avoir mentionné cette quatrième catégorie, il dit « wa'lam ». Après que l'auteur ait cité ce qu'on vient de lire, la traduction, l'auteur dit « wa'lam », message. Très pertinent ce qu'il va dire. « Anna al-abda la yakuna mutahakikan bi'ibadati Allahi wahdahu illa bi'aslayni. Illa bi'aslayni. » Et il dit « sache que le serviteur ne réalisera pas l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala si ce n'est avec deux bases essentielles. » Il faut deux bases essentielles. Beaucoup d'entre vous, vous l'avez déjà entendu ça. Vous avez sûrement déjà appris ça. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours faire le rappel. Il faut toujours faire le rappel jusqu'à ce que cette question-là, on la maîtrise. On a la maîtrise et qu'on puisse l'enseigner aux autres. Pourquoi? Parce que là, en réalité, pourquoi les savants répètent cela et enseignent cela? Ça, c'est les priorités. Pourquoi? Chacun d'entre nous, c'est tous notre problème. C'est le problème de tout croyant et de toute croyante. Il n'y a pas un croyant qui peut dire qu'il n'est pas concerné. Notre problème à nous, il est où? Notre problème, c'est qu'on œuvre et on a tous une peur. On a une peur que nos œuvres ne soient pas acceptées. C'est tous. Ça, c'est le sentiment de chacun. Le croyant, il a toujours peur que son œuvre, elle n'est pas acceptée. Et donc ça te suit. C'est constant. Ça, à chaque instant. Ça perdure toute ta vie. Wakaifala, et comme en nom, puisqu'il nous est rapporté d'un salaf qui disait, si je savais qu'Allah ne m'avait accepté ne serait-ce que 2 unités de prière, alors j'aurais désiré, espéré la mort. J'aurais espéré la mort. Regardez, il dit, si je savais qu'Allah Azzawajal ne m'avait ou m'avait accepté ne serait-ce 2 unités de prière. Il dit, la tamannayt al-maut. J'aurais espéré la mort. Pourquoi? Innama yataqabbal Allahu min al-muttaqin. Il a cité le verset parce que dans un verset, Allah dit, certes, Allah n'accepte que de ceux qui ont at-taqwa, la crainte. Qu'est-ce qu'il voulait dire, ce grand imam? Il voulait dire que ça veut dire que si Allah lui a accepté de ces 2 unités de prière-là, ça veut dire qu'il l'a compté parmi al-taqwa, min al-muttaqin. Ça veut dire qu'il est compté. Si Allah t'a accepté une œuvre, ça veut dire que tu es min al-muttaqin. Et si tu fais partie de ahl al-taqwa, ou la aqibatu lil-muttaqin, la bonne finalité, elle est pour ahl al-taqwa. Vous avez vu leur niveau de compréhension? Et donc, ça, c'était le souci des gens de notre communauté, de nos frères. Parce que c'est les gens de nos frères. Nos frères dans les générations précédentes. Nos salafs. Nos ancêtres. C'était leur préoccupation. Ils œuvrent jusqu'à aujourd'hui, les plus jeunes jusqu'aux plus vieux. Notre souci, c'est quoi? C'est qu'Allah Azzawajal accepte nos adorations. Celui qui pratique ses 5 prières constamment, il obéit à son Créateur, il fait ses prières en commun, il assiste à Salat al-Jumu'ah, il fait le mois du Ramadan, il jeûne le mois du Ramadan, il accomplit son Hajj, il fait ses 5 piliers de l'islam. Qu'est-ce qu'il veut lui? Pourquoi il le fait? Il ne le fait pas pour la notoriété, il ne fait pas pour attirer des compliments, des éloges. Lui, il le fait par soumission à son Créateur, subhanahu wa ta'ala. Il le fait parce qu'il espère la récompense d'Allah, azawajal, avec les 3 piliers de l'adoration. L'amour, l'espérance et la crainte. On adore Allah, azawajal, parce qu'on l'aime. On adore Allah, azawajal, parce qu'on espère sa miséricorde et sa récompense. Et on adore Allah, azawajal, parce qu'on craint aussi sa punition et son châtiment. Pas comme les extrêmes, ceux qui n'adorent Allah Azzawajal que par crainte. Ils vont te citer que les textes de crainte. Hawla al-Khawarij. Ça, c'est les extrémistes religieux. Ahlul Takfir wal-Khawarij. C'est les extrémistes religieux. Ils vont te citer que les textes qui font peur. Ou qu'il y a la crainte. Ou il y a la mention du châtiment. Ou sinon, on a Ahlul Irja. Cette tendance, cette doctrine qu'on appelle Al-Irja. Al-Irja, c'est ceux qui adorent Allah Azzawajal qu'avec espérance. Ils ne parlent que de l'espérance. Et ils te citeront parmi les textes que les textes d'espérance. C'est-à-dire où il y a la mention, l'évocation de la miséricorde d'Allah Azzawajal. Du pardon d'Allah Subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un autre extrême. Ils te citeront que Allah est le grand pardonneur. Allah est le grand miséricordieux. Et donc ça aboutit à leur célèbre croyance, la foi est dans le cœur. Ensuite, à la fin. Al-Iman ou fil qalb. Et ça, c'était aussi Qawl al-Jahmiya. Qawl al-Jahmiya, dans la question, on a dit, Al-Jahmiya, dans la question de l'asma ou sifat, neuf ou l'asma ou sifat. Dans la question des noms et des attributs, Al-Jahmiya, ils avaient nié aussi bien les noms et les attributs. On avait dit dans la question du Qadar, ils sont Al-Jibriya. C'est Al-Jibriya, Al-Jahmiya. Que l'être humain n'a pas de libre arbitre. Il n'a pas cette capacité de pouvoir choisir. Il est contraint. Ça, c'est la croyance de l'Jibriya dans le Qadr. Et dans la question de l'Iman, c'est des questions où émergèrent des doctrines et des tendances innovatrices. Dans la question de l'Iman, pour eux, le Jahmiya, l'Iman, c'est Ma'rifatullah. Pour eux, la foi, c'est quoi? C'est la connaissance du Créateur. Alors, les grands savants, lorsqu'ils ont répondu à cette pensée-là et cette définition-là, ils ont dit, donc, dans ce cas-là, Iblis est mu'min. Dans ce cas-là, Iblis, Shaitan, on peut le considérer comme croyant. Pourquoi? Parce qu'il a la connaissance d'Allah, Azza wa Jal. Il connaît son Créateur. Il connaît Allah. Et c'est pour cela que al-Murji'a, al-Ghulat, les extrémistes Murji'a, eux ensuite n'ont parlé que l'aspect miséricorde et espérance. Et on a Ghulat al-Sufiya, Ghulat al-Tasawwuf, eux, c'est le Mahabba. Que le Mahabba. Jusqu'à ce que certains disent, on n'adore pas Allah parce qu'on veut le paradis. Et on n'adore pas Allah parce que on craint son châtiment. Nous adorons Allah parce qu'on l'aime. Et d'autres adorent Allah parce qu'ils le craignent seulement. Et d'autres adorent Allah parce qu'ils espèrent en sa miséricorde seulement. Les gens de la sunna et de la rectitude et du droit chemin, ils adorent Allah parce qu'ils espèrent sa miséricorde, parce qu'ils craignent sa punition, son châtiment, et parce qu'ils l'aiment. Et donc ça, c'est considéré parmi arkan al-ibada. Ça fait partie des piliers de l'adoration. Et donc ça, il faut s'inculquer toujours cela. C'est pour cela que de grands savants disent, et ça c'est par rapport à un sar qui rapporte une parole de Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib. On avait fait l'explication la fois dernière, il y a quelques week-ends de cela, on avait fait l'explication de la parole de Ali ibn Abi Talib. Et en conclusion, les savants de l'explication de ce hadith, ils disent, si une personne qui appelle, qui enseigne la religion, il voit aussi bien il enseigne l'espérance, aussi bien il enseigne l'aspect de la crainte, aussi bien il enseigne l'aspect de al-mahabba, alors c'est une personne qui a la hikmah, qui a la sagesse. Et c'est une personne dont son appel est droit. C'est-à-dire que si la personne n'appelle que à la crainte, et il voit qu'il penche que vers la crainte, on avait dit, ou bien que vers l'espérance, ou bien que vers l'amour, sans parler de ces trois choses-là, alors il faut se remettre en question. Ça, c'est très important, ça. Sauf qu'on avait expliqué que parfois, il y a des situations où on fait passer d'abord l'aspect de l'espérance. Par exemple, si on visite une personne qui est malade, là, il faut lui parler de la miséricorde d'Allah. Là, à ce moment-là, il est malade. Ou une personne qui est au chevet de la mort, il subit l'affre de la mort, il est dans l'agonie. Là, on lui parle de la miséricorde d'Allah. Allah, il est le grand pardonneur. La tahaf, n'aie pas peur. La tahzen, ne sois pas triste. C'est Allah, Azza wa Jal, qui nous dit ça dans le Coran. La khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Allah nous dit, point de peur pour eux, ils ne seront point tristes. Ceux qui ont dit qu'Allah est leur Seigneur, ensuite ils ont été droits. La khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Et dans de nombreux versets, Allah nous appelle à ne pas être triste et ne pas avoir peur. Donc il y a des situations, bien sûr, celui qui a l'ilm, la hikmah et la sagesse, il y a des situations où il faut faire emporter l'aspect de l'espérance. Par contre, on avait dit, il y a des situations, c'est l'aspect de la crainte qu'il faut préciser. Pourquoi ? Une personne qui est sur le point de désobéir à son Créateur, de tomber dans un grand péché par exemple, là à ce moment-là, il est plus propice, il convient mieux de lui dire « Crains Allah, Azza wa Jal, crains ton Créateur » et de lui ramener des textes liés à la crainte du Créateur. Vous avez vu, selon les situations. Mais d'une manière générale, on « Nad'u Allah ila ibadatillahi Azza wa Jal bi ar-raja » والخوف والمحبة المهم. Donc nous, notre crainte à chacun d'entre nous, notre crainte à nous, c'est que nos œuvres ne sont pas acceptées. Ça, c'est la crainte de tout croyant. Personne n'est à l'abri. On prie, on a peur. On a peur que pendant des années, on adore, on prie, mais que ça ne soit pas accepté. Donc c'est le souci de chacun. Et donc c'est pour ça que les savants enseignent ça. Et il réitère ça. Et regardez, c'est pour ça que l'enseignement, il est immense, parce que pour l'acceptation et la réalisation de l'adoration, pour qu'Allah Azza wa Jal accepte tes adorations, il te faut deux conditions très importantes. Et ici, il cite Aslain, deux Asl, qui est très important. Il dit, il te faut premièrement Mutaba'at al-Rasul, le suivi du prophète, et deuxièmement Ikhlas al-Ibada, Ikhlas al-Ubudiyya, et deuxièmement la sincérité. Ça, il faut toujours le garder à l'esprit. Il faut toujours le garder à l'esprit. Lorsqu'on veut accomplir une adoration, il faut que cette adoration soit en conformité avec la tradition du messager d'Allah, et il faut que cette adoration soit faite pour le Créateur avec sincérité. Avec sincérité. De sorte que si c'est pas en conformité avec la sunna et la tradition du messager d'Allah, ça ne sert à rien de vrai. Fahadihi bid'ah. C'est-à-dire que c'est une innovation, c'est quelque chose de nouveau dans cette religion. Or, la religion est complète et parachevée. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Comme dit Allah Azza wa Jalla dans le Coran, la religion elle est complète. Hadha ad-din la yahtaj ila ziyada wa la nuqsan. Hadha ad-din kamil. Wa li hadha yaqul an-nabi sallallahu alayhi wa sallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min man ahdatha fi هذا في أمرنا هذا ما ليس من فهو رد. Le prophète dit من أحدث. ما معنى من أحدث؟ من أحدث celui qui ramène quelque chose de hadith, de jadid, de nouveau. في أمرنا هذا ما ليس من. Dans notre ordre, le prophète ensemble, dans notre commandement, cette personne y rapporte quelque chose de nouveau. Le prophète ensemble dit فهو رد. C'est à rejeter. C'est à rejeter. Donc regardez ce qu'il dit. وَعَلَمْ أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَكُنْ مُتَحَقِّقًا بِعِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا بِأَصْلَيْنِ أَحَدُهُمَا مُتَابَعَةَ الرَّسُولِ وَالثَّانِي إِخْلَاصُ الْعُبُودِيَّةِ. Et la sincérité. De sorte que si tu n'œuvres pas sincèrement, elle ne sera pas acceptée l'adoration. Allah أَغْنَى الشُّرَكَ عَنِ الشِّرْكِ. Allah est au-dessus de ce qu'on lui donne comme associé, exalté soit-il, le Très-Haut. Allah aghna ash-shuraka 'an ash-shirk. Man 'amila 'amalan ashraka fihi ghayri taraktuhu wa shirkah. Le prophète Sam nous dit qu'Allah Azza wa Jalla dans le hadith divin dit, celui qui œuvre une action en me donnant un associé, je le laisserai à cet associé. Donc, l'adoration doit être faite avec sincérité. Donc pour ça, il faut toujours se rappeler, il faut enseigner cela à nos frères, à nos sœurs, que les adorations sont acceptées s'il y a ces deux conditions préalables. Mutaba'at al-Rasul wal-Ikhlas. C'est pour ça que l'auteur le stipule. Qala rahimahullah. Wa ahlul ikhlas wal-mutaba'a. Il va citer maintenant wa nasu fi hadhain al-aslain arba'at aqsam. Maintenant il dit, il y a quatre catégories de gens. Quatre catégories de gens face à la sincérité par rapport à ces deux bases essentielles, face à la sincérité et le suivi du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a quatre catégories. Et ça, c'est très important. Il faut écouter les quatre catégories. Ensuite, chacun d'entre nous, il se pose la question, yuhasib nafsa min ayna huwa. Où se trouve-t-il dans ces quatre catégories? Pourquoi? Parce qu'il n'y en a qu'une qui est bonne. Il n'y en a qu'une qui est bonne. Donc chacun d'entre vous, chaque personne entre nous, c'est lui qui connaît mieux sa propre personne. Ensuite, il écoute et ensuite il fait son examen de conscience, son autocritique, et il se pose la question, il est dans quelle catégorie? Si tu n'es pas dans la catégorie qu'on va mentionner, la bonne, la première, alors il faut rectifier. Il faut se corriger. Qala rahimahullahu ta'ala. والناس في هذين الأصلين أربعة أقسام. قال الأول أهل الإخلاص والمتابعة. La première catégorie, c'est ceux qui ont la sincérité et le متابعة du messager d'Allah صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فأعمالهم كلها لله وأقوالهم ومنعهم وعطاؤهم وحبهم وبغضهم كل ذلك لله تعالى لا يريدون من العباد جزاء ولا شكورا. عدوا الناس كأصحاب القبور لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياء ولا نشورا فإنه لا يعامل أحدا من الخلق إلا li jahlihi billahi wa jahlihi bil khalq. قال والإخلاص هو العمل الذي لا يتقبل الله من عامل عملا صوابا عاريا منه وهو الذي ألزم عباده به إلى الموت. قال جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا أحسن عملا. Regardez ce que l'auteur dit. Il dit la première catégorie c'est ceux qui ont réuni entre l'ikhlas et le mutaba'a. C'est ça la bonne catégorie. L'insincérité, le suivi du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. De sorte, il dit, kulluha lillah, toutes ces adorations, puisque là on est en train de parler des conditions pour l'acceptation des adorations. On a dit, c'est notre souci à chacun. Jeune, plus âgé, femme, homme, chacun d'entre nous veut qu'Allah azzawajal lui accepte ses actions, ses prières, son jeûne, son hajj, s'il a accompli le hajj. C'est notre souci à tous. On a tous peur. Comme on l'a dit précédemment, on a tous peur que nos œuvres ne soient pas acceptées. Donc il n'y a personne qui dit qu'il n'est pas concerné. On a besoin de se faire ce rappel-là. Il y a des gens que ça fait 20 ans, 30 ans, des décennies, qu'ils œuvrent, et peut-être qu'il va se rendre compte que là, il a un khalal dans l'un de ces deux. Par contre, le khalal dans l'un de ces deux, ça veut dire quoi? Ta ibada n'est pas acceptée. Ok, Fala. Si tu as adoré bila ikhlas, sans être sincère envers Allah Azza wa Jal. T'es parti faire le hajj, pour qu'au bled ils disent qu'il a fait le hajj. Ou pour que tu reviennes auprès de la famille, moi c'est bon, j'ai fait le hajj. Juste pour ça. Tu l'as fait parce que tu voulais que les gens te complimentent, te fassent les éloges. Tu viens à Salat al-Jama'a, pour pas par exemple qu'on dise, « Hada yitkhallaf an Salat al-Jama'a ». C'est pas l'ikhlas, c'est pas la sincérité. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mes prières, ma vie, mes rites, ma vie, ma mort n'appartiennent que à Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha al-ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budu Allah. Ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah mukhlisan lahu ad-din. Avec sincérité du culte. Al-ikhlas. Wa al-mutaba'a. Mutaba'a, c'est que ton œuvre soit conforme et en cohérence avec la tradition du messager d'Allah. Si tu fais une chose que le prophète Hassan n'a pas enseignée, tu fais une chose que le prophète Hassan n'a pas faite. C'est-à-dire que tu penses que le prophète Hassan, soit il a oublié, soit toi tu fais quelque chose que le prophète n'a pas fait, donc toi tu fais quelque chose de mieux. Le prophète, s'il ne l'a pas fait, si Allah Azza wa Jal ne lui a pas enseigné de nous enseigner cela, c'est pas à nous deux de rapporter des choses nouvelles et d'innover des choses. Et ça, c'est très important. Allah لا إله إلا الله اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة أتي محمدا والفضيلة والفضل. نكمل الكلام بحول الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو الإخلاص، هو العمل الذي لا يتقبل الله من عامل عملا صوابا عاريا منه، وهو الذي ألزم عباده به إلى الموت. قال جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال جل وعلا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. Et donc l'auteur il dit, la sincérité c'est l'œuvre qui est faite vraiment pour Allah, et il va nous dire que celui dont son œuvre n'est pas faite avec sincérité et pour Allah Azza wa Jal, cette œuvre ne peut être faite avec exactitude, dans le sens sawaban, elle ne peut pas être vouée sincèrement à Allah Azza wa Jal et être bonne. Et il dit, cette sincérité, Allah Azza wa Jal nous l'a imposée ila al-maut, jusqu'à la mort. Allah, huwa alladhi alzama 'ibadahu bihi ila al-maut, devrait avec sincérité. Pour cela, Allah dit qu'il a créé la vie et la mort, et Allah dit, liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Et Allah vous éprouve pour savoir, vous teste, pour savoir qui est celui d'entre vous qui a accompli les meilleures actions. Qui est-ce qui va accomplir les meilleures actions? Et dans un autre verset, Allah dit لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, pour les éprouver, pour voir qui est-ce d'entre eux va accomplir les meilleures actions. Une traduction relative du sens du verset. أَحْسَنُ الْعَمَلِ, les savants, regardez ce qu'ils disent. وَأَحْسَنُ الْعَمَلِ, comme il est cité dans le verset. Les meilleures actions, c'est quoi? قَالَ الْعُلَمَا أَخْلَصُهُ وَأَصْوَبُهُ. أَخْلَصُهُ وَأَصْوَبُهُ, c'est l'adoration qui est faite avec sincérité, وَأَصْوَبُهُ, en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Donc c'est très simple. فَالْخَالِصُ, l'œuvre, الخالص, les ulama disent أَنْ يَكُونَ لِلَّهِ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ الْعَمَلِ أَخْلَصُهُ وَأَصْوَبُهُ فَالْخَالِصُ أَنْ يَكُونَ لِلَّهِ والصواب أن يكون على وفق سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا هو العمل الصالح المذكور في قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا وهو العمل الحسن في قوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وكل عمل قال المصنف وكل عمل بلا متابعة فإنه لا يزيد عامله إلا بعدا من الله فإن الله تعالى إنما يبعد بأمره لا بالأهواء والآراء. عفوا قال فإن الله تعالى إنما يعبد بأمره لا بالأهواء والآراء, هذا في الضرب الأول. ثم قال والضرب الثاني من لا إخلاص له ولا متابعة, يعني القسم الثاني هو من لا إخلاص له ولا متابعة, ونحن نتكلم عن من له إخلاص ومتابعة. Donc pour terminer, en résumé, ça c'est un immense rappel qu'il faut se faire lorsqu'on œuvre, n'importe quelle œuvre, parmi les adorations, c'est-à-dire c'est une œuvre par laquelle on veut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour que celle-ci soit acceptée, il faut regarder, premièrement, est-ce qu'on l'a fait pour le Créateur? Est-ce que celle-ci, comme on a dit, أن يكون لله, الخالص, c'est que cette adoration, on l'accomplit pour Allah. Et deuxièmement, il faut que cette adoration soit en conformité avec la tradition et les enseignements du messager d'Allah. De ne rien inventer dans la religion. Aujourd'hui, c'est complexe et compliqué. Pourquoi? Parce que beaucoup de traditions ancestrales de nos pays d'origine, pour beaucoup, eh ben, il y a beaucoup de traditions qui se sont mélangées avec les sunnans, les traditions du prophète. Et aujourd'hui, si on ne revient pas à l'apprentissage de la religion, on n'arrive pas à distinguer entre ce qui est d'ordre tradition de nos pays et d'ordre de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la gravité, c'est lorsque, en plus, la tradition contredit la tradition du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans le domaine du culte et de l'adoration, on adore Allah azza wa jal, pas par rapport à notre passion à nous, pas par rapport à ce qu'on veut nous, mais on adore Allah azza wa jal, par rapport à ce qu'il a légiféré, avec ce qu'il a légiféré comme adoration, subhanahu wa ta'ala. Pour cela, on avait mentionné l'exemple à l'époque de l'imam Malik, lorsque les gens voulaient faire al-ihram, vous vous en rappelez de ce mithal, al-ihram, dans un endroit à quelques mètres de Dhul Hulayfa, et lorsqu'ils ont dit à l'imam Malik, il y a imam, on peut faire, se mettre en état de sacralisation d'ihram à cet endroit. Et l'imam a dit là, a dit non. Ils ont dit, mais c'est qu'une histoire de mètres. C'est quelques mètres. Pourquoi pas à cet endroit? Et là, l'imam leur a dit, akhsha alaykum al-fitna. J'ai peur pour vous de l'épreuve, de la tentation. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Et il cita le verset lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit, que prennent garde ceux qui contredisent son ordre, c'est-à-dire l'ordre du messager d'Allah, du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, أَمْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ, qu'une fitna les atteigne, أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, ou bien qu'un châtiment douloureux les atteigne. Contredire l'ordre du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Souvent, on se retrouve dans des occasions, par exemple, de mariage ou autre, et c'est les gens qui dictent à l'imam qu'est-ce qu'il faut faire. Moula Hajib. Il n'y a pas très si longtemps, on était à une occasion, et c'est les gens de l'assise, ils ont dit, hey, imam, tu fais ça, et tu fais ci, et tu fais ça. Alors, on se retrouve toujours dans un problème face aux différentes nationalités. Alors, si on tombe sur telle nationalité, il nous demande de faire telle et telle chose. Si on tombe sur telle nationalité, il nous demande de faire telle et telle chose. Et si on tombe sur telle nationalité, il nous demande de faire telle et telle chose. Et c'est eux qui dictent. Pourquoi alors ils ont ramené un imam? Pourquoi ils ont ramené l'imam? Alors ils disent, allez l'imam, tu commences et tu fais ça. Alors un jour, il n'y a pas très si longtemps, on a dit au mashayikh, on a dit, bah, moi je fais ce que vous me dites, mais donnez-moi juste un verset, ou un hadith du prophète, ou une parole de compagnon du prophète, Wahad Ghalli, qui m'a dit, et si demain j'appelle le mufti d'Égypte, il dit que tu peux faire ça. Je lui dis, si tu appelles le mufti d'Égypte, et le mufti d'Égypte te donne l'aya, ou le hadith, ou bien qu'au le sahabi, naam, je reviens, je suis premier à le faire. Mais le mufti d'Égypte, même le mufti de n'importe quel pays, te donnera aucun verset, aucun hadith, aucun qol de sahabi. Parce que ça, c'est mubtada. C'est quelque chose d'innové. وحق الاتباع. نحن نحب العلماء وإمة الدين. ونحن متبعين الإمام مالك وأحمد بن حنبل والإمام الشافعي وأبي حنيفة. Mais eux-mêmes les imams, ils disaient, ce qu'il faut considérer, c'est الحديث. قال الإمام الشافعي, إذا صح الحديث, فهو مذهبي. Si le hadith est authentique, c'est mon madhhab. Donc, نحن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وسنكتفي بهذا القدر. Juste, on va préciser. Lorsqu'on dit أشهد أن لا إله إلا الله, ça veut dire لا معبود بحق إلا الله. Le seul معبود هو الله. صح ولا لا؟ الشهادة الثانية. Parce que شهادتان. Il y a deux shahada. Shahada anna Muhammadan Rasulullah. Même ana. Si on ne suit pas le prophète, c'est même ana shahada. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bima'da la matbu'a bihaqqin illa an-Nabi sallam. Faqala al-ulama, ashhadu an la ilaha illallah, bima'da la ma'buda bihaqqin illallah. وشهادة أن محمدا رسول الله لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. C'est pas le sheikh. والرسول أعطني الحديث. هات الحديث الدليل. نحن أمة الدليل. وإلا كل من أراد أن يدعي شيئا في دين الإسلام فهو يدعي. فكما قال الإمام الشافعي الدليل إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولذلك كان يقول العلماء قديما تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح ودين بكتاب الله وسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح ودين بكتاب الله وسنن التي أتت عن من؟ أتت عن رسول الله تنجو وتربح. أقول ما تسمعون والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم.